95 chemin de la Canardière, sur les ondes de CKRL de 14h à 15h30. Ensemble, donnons un second souffle au livre. Ce soir, à l'aérospatiale, un tour d'horizon des expositions présentées actuellement à Méduse avec Suzy Dufour, un entretien avec Isabelle Trépanier au sujet de la galerie Espace Parenthèse, et l'artiste Alfia Jonca nous parle de l'exposition collective « Elle pensait comme ça alors que pas moi ». Bonsoir, mesdames, messieurs, et bienvenue à l'Aérospatiale, votre magazine radio en arts visuels à Québec. Audrey Caro en votre compagnie, et bonsoir, Gentiane, à France. Bonsoir, Gentiane, et on a déjà Suzy Dufour dans le studio. Bonsoir, oui. Suzy. Bonsoir à vous deux. Alors, Gentiane, joyeux anniversaire. Merci. C'est toujours agréable d'être en studio, je trouve, la journée de son anniversaire. Oui, ça rajoute à l'excitation de la journée. Exactement. Mm-hmm. Et en plus, on a vraiment une belle émission aujourd'hui. Oui, c'est un beau cadeau, merci. Oui, à vrai dire, on va discuter avec Suzy Dufour, comme on le disait, des expositions qui ont actuellement cours à Méduse. Donc, on va passer vraiment tous les centres là, qui sont là, Vue, Engramme, L'œil de poisson, la bande vidéo. Donc, on va vous faire un beau résumé de ce qui se trouve là, à la fois à l'occasion de Manif d'art 8, mais aussi quelques résidus du mois multi qui persistent toujours. Oui. Ça, c'est plaisant. Donc, on n'a pas eu le temps de voir ces expos-là, ben on va pouvoir voir justement là deux expositions qui sont en lien avec ça, dont on n'avait pas encore parlé ici à l'émission. Oui, c'est ça. Et puis, ça se termine bientôt. Donc... Exact. Pour les retardataires, là, il est temps de se rattraper. Et voilà. Et puis, en deuxième moitié d'émission, Gentiane? On va recevoir en studio Isabelle Trépanier, qui est responsable de la galerie Espace Parenthèse au Cégep de Sainte-Foy, donc une galerie de Cégep. Oui. Dans un espace assez particulier. Donc, on va lui parler un peu de son métier, de cette spécificité-là des galeries de Cégep. Mm-hmm. Et évidemment, on va glisser un petit mot sur l'exposition qui est en cours actuellement. Oui, bien sûr. On va avoir aussi l'occasion d'en parler, je pense, à l'émission, parce que ça m'apparaît être une très, très belle exposition. Oui. En tout cas, le nom de ces jeunes dames fait, comme on peut dire, la promotion, très bien la promotion de cette exposition. Oui, c'est ça. Ça nous donne beaucoup le goût d'aller la voir. Et puis, en fin d'émission, on va recevoir l'artiste Alfia Jonca pour parler de l'exposition « Elle pensait comme ça, alors que pas moi ». Donc, une exposition qui est actuellement en cours à la salle d'exposition du pavillon Alphonse Desjardins de l'Université Laval. Mm-hmm. Un trio, un collectif, Alfia Jonca, Jasmine Gay et Roxane Tremblay-Girard qui exposent en ce moment. Donc, on va pouvoir en savoir un peu plus sur l'exposition en compagnie de l'artiste. Oui, et bien sûr, restez à l'écoute jusqu'à la fin, parce qu'on a aussi l'agenda de la semaine. Gentiane, tu l'as préparé et il y a quand même plusieurs choses à ne pas rater, des expositions qui vont se terminer. Oui, surtout, c'est ça, beaucoup de choses qui se terminent. Donc, l'agenda de la semaine à la fin de l'émission. Parfait. Et on va faire une première pause audio avec la sélection de Simon Roy cette semaine. Qui nous transporte en Pologne. Exact. Oui, c'est ça. Donc, pour le plaisir, à vrai dire, on a traduit les chansons, parce que sinon, je pense que ça aurait été assez compliqué de vous les dire au micro ce soir. Merci, logiciel de recherche, dont on ne dira pas le nom. Oui, bien sûr. Donc, comme on le disait, c'est un groupe qui nous vient de Cracovie, en Pologne, un quatuor. Et ce sont des extraits ce soir de leur premier album qui date quand même. Simon nous donne des choses assez actuelles, mais là, on retourne en arrière, en 99. Et l'album s'appelle à vrai dire traduit, il sonne à l'intérieur. OK, c'est mystérieux. Quand même. Et le groupe est Bordeaux. Donc, on s'en va écouter le premier extrait, Pudding. Alors, on commence l'émission en compagnie de Suzy Dufour. Rebonjour, Suzy. Rebonjour à vous deux. Alors, on fait un survol de ce qui se trame actuellement à Méduse et on va commencer avec... on va y aller en descendant la côte d'Abraham. Donc, on commence avec la bande vidéo qui présente actuellement une vidéo, bien sûr, de l'artiste Yalou. Donc, tout simplement comme ça, l'artiste Yalou, qui est une artiste coréenne, je crois. Sud-coréenne, hein, c'est ça. Mm-hmm. Et c'est une vidéo qui s'intitule New Millennium Workout Routine. Donc, allons-y, mesdames. Peut-être, j'ai cru comprendre, Suzy, que c'était un coup de cœur pour toi. Oui, hein? Moi, j'ai beaucoup aimé. J'ai généralement des petits coups de cœur pour l'art qui est à la fois conceptuel, mais qui fait rigoler un peu. Mm-hmm. Puis moi, je me suis perdue dans cette œuvre-là parce que c'est l'artiste qui s'est filmé en train de faire une routine d'exercice, donc elle danse en quelque mm-hmm. sorte, mais elle se démultiplie sur l'écran et parfois avec des intervalles, mm-hmm. elle est vêtue de rouge, elle a les cheveux noirs, donc ça fait une espèce de d'image à la fois abstraite, figurative, des vagues. C'est on ça. Se laisse comment c'est emporter. Très formel là, comme œuvre, en même temps conceptuelle. C'est ça qui est intéressant. Conceptuel et ludique aussi, beaucoup. Puis on prend plaisir. Puis déjà, tu parles de... Même aussi visuellement, c'est intéressant, ce jeu entre le rouge et le noir. Là, oui. Justement, là, ces petits cheveux courts au carré. Là, oui. C'est intéressant parce que les bouts, quand tu dis que ça devient abstrait, ça me laissait transparaître. C'est quand elle avait la tête penchée. Donc, on ne voyait plus son visage donc, et tous ces mouvements, justement, qui, des fois, comme tu dis, sont décalés, ben, amenaient un rythme, une impression de vague un peu. Oui, absolument. Oui, c'est très marin. Il y a quelque chose du mouvement de l'eau. De la fluidité. Oui, c'est très fluidité. Oui, la fluidité des corps. Puis cette routine-là, c'est une routine officielle du gouvernement, je pense, c'est ça? Oui, c'est ça. En 1999, le gouvernement sud-coréen a instauré un programme de routine d'exercice pour la santé, en quelque sorte, mm-hmm. du pays. Et c'est exactement cette routine-là que l'artiste reprend. Donc, c'est aussi un clin d'œil à son histoire à elle, parce qu'on peut supposer qu'en 1999, elle a pu voir, en quelque sorte, mm-hmm. cette routine-là en action. Donc, c'est un souvenir en même temps. Il y a quelque chose là-dedans. Il y a quelque chose d'assez joyeux, quelque chose de mettre en action. On la voit sourire à quelques moments aussi quand on se concentre sur l'aspect plus figuratif justement de mm-hmm. cette œuvre-là. Donc moi, je me suis laissée totalement emporter là-dedans. Puis ça me faisait penser penser aussi à, je sais pas si vous vous souvenez, mais tu sais, les albums de d'images d'art optique ou d'illusion optique. Oui, on pouvait voir des choses en trois dimensions. Oui. Oui. Mm-hmm. Donc l'aspect 2D, 3D réapparaît là-dedans. Voilà, moi ça a été un petit coup de cœur. Moi ça m'a évoqué c'est tout ça à la fois des séances d'entraînement collectif hein, qui sont bien à la mode là, les genres de yoga session là, où on est en grand groupe pour s'entraîner, ça m'évoquait ça où tout le monde à un moment donné font les mêmes gestes, les mêmes mouvements, mais à un moment donné whoop, il y a une petite désynchronisation qui se fait puis ça se faisait sentir, je trouvais cet effet de masse d'entraînement de groupe puis qui est très aussi, c'est quand même une œuvre de 2014 mais je trouvais qu'elle était très actuelle aussi par rapport à cette aussi cette volonté là de d'entraînement hein, faut dire en termes de santé publique on promouvoit beaucoup l'exercice physique l'entraînement puis le yoga est particulièrement à la mode, ça m'évoquait un peu ça mais en même temps aussi un peu Nathalie Bugeaud qu'on avait vu à l'œil de poisson dernièrement le même procédé de répétition du geste qui crée des motifs que là, les motifs étaient peut-être plus cacophoniques ou enfin discordants, mais c'était dans un esprit similaire, mais qui était tout aussi intéressant et pertinent. Donc, où la synchronicité par moment, mais la désynchronicité aussi était là. Donc, on a comme on dit, les contraires, les opposés qui sont là. Donc, comme tu dis, Suzy, très, très joyeux, très ludique. Ouais. On se fait prendre au jeu. Absolument. Hein. Je suis restée là plus longtemps que je ne l'aurais pensé. Oui, c'est vrai, c'est très plaisant. Puis, alors voilà, à voir, je pense, à la bande vidéo, donc Yalou, donc cette artiste sud-coréenne. Et par la suite, on continue notre parcours, on s'en va à l'œil de poisson, où là, on a justement ce duo Manif d'art, Moi Multi. On pourrait peut-être commencer dans la suite avec de Manif d'art. Donc, dans la grande galerie, c'est le duo Non-Football Club, qu'on avait reçu ici à l'émission l'an dernier. Qui avait une aura de mystère parce qu'il ne pouvait pas vraiment révéler la nature de l'œuvre alors qu'elle était en production, elle était quasiment terminée. Donc, c'est ça, exactement. On avait une belle discussion pleine de mystère avec ici à l'émission. Alors, qu'est-ce qu'on trouve? Qu'est-ce qu'il nous présente Non-Football Club, Suzy? C'est une installation très complète et très chargée de sens, à mon humble avis. Il y a, au centre de la pièce, suspendu sur des câbles, 5 télévisions. Qui présente en continu des différents téléjournaux en quelque sorte. Donc, comme on présente chaînes, l'information. Des chaînes d'information en continu. Exactement, c'est plus précis, exact. Puis derrière, si on veut, on voit un immense signe on air, comme on a ici à la radio de CKRL. Oui, en onde. En onde. Mm-hmm. Et dessous cette enseigne lumineuse-là, il y a qui nimbe la pièce de rouge. Exact, parce que là, la pièce est quand même dans la pénombre, outre ces télévisions qui illuminent un peu de sa lumière et le on-air. Donc, ça donne effectivement une teinte très rouge à la pièce pour un sujet qui est très engagé, justement, on va y revenir à ça. Mm-hmm. Mais bref, sous l'enseigne lumineuse, il y a un rassemblement de chaises vides, mais on suppose une foule, une assistance, quelqu'un qui regarde, en tout cas. Et face à la télévision, sur le mur... sur le mur en rentrant à gauche. En rentrant à gauche, il y a des plaques de cuivre qui, on le devine, qui est comme le négatif d'une image, encore une fois, d'une chaîne d'information. OK, oui. Puis il faut quand même dire, les téléviseurs, justement, qu'on voit qui sont suspendus dans l'espace, ils sont dans des gros boîtiers de métal. Suspendus, là, chacun, là, et qui sont très, très lourds. Mais qu'est-ce qu'on peut faire, Suzy, avec ces boîtiers? Et c'est là que la partie amusante débute. On peut un peu se ruiner les oreilles parce qu'on peut tirer sur la première caisse, si on veut, de télévision et la laisser tomber. Et il va se produire un effet de pendule avec les autres télévisions et un bruit assez impressionnant qui rappelle par le rythme, parce qu'à un moment donné, bon, il va s'installer un rythme, quelque chose comme ça. Oui, c'est ça, c'est l'effet du pendule de Newton. Oui, donc, il y a une boule au bout qui arrive sur le groupe de boules et c'est la dernière boule, l'autre extrémité qui... qui se met à bouger. Réagit. Tout à fait. Ah, oui, tout oui. à fait. Donc, le rythme établi de ce son-là rappelle juste le son est hypnotisant là, mais ça rappelle un bruit répétitif d'une marche, quelque chose de très fort, comme une marche militaire, marche militaire, quelque chose de très militaire. Moi je me sentais vraiment, en allant à l'œil de poisson avec les deux œuvres, je me sentais vraiment dans le domaine de la guerre. On est on va parler de l'autre œuvre aussi, mais il y a des rapports à faire, il y a vraiment une belle cohérence là dans les deux. Tout à fait. Mais c'est ça, fait qu'il faut oser hein, parce que moi je me suis amusée là à la tirer très haut, cette boîte, même si elle est très lourde, hein, parce qu'au centre, on dirait presque des... Ce sont des grosses masses d'acier, je pense, là, de métal, là, qui font... Moi, qui me rappelaient des obus, un peu. Ah, là. Oui! Donc, puis qui vont cogner là, les uns sur les autres, puis cette boîte de métal qui vibre en même temps, on dirait que tout va éclater, tomber. Ouais. En tout cas, moi, j'ai réussi à débrancher une télévision. Oh non! Bravo! Bravo, Audrey! Non, mais c'est ça, il faut... C'est une œuvre, donc, dans l'expérience... Ouais. Et c'est très, très fort, hein, si on peut dire. Ah, juste ça, là, cet élément-là aurait pu tout simplement être exposé seul. Je Absolument, pense c'est la pièce aussi, maîtresse de cette installation-là. Et moi, ça me faisait penser un peu, quand on pense à ça, aux réactions, tu sais, les chaînes de médias en continu, là, et justement, les chaînes d'information en continu, où dès qu'il y a quelque chose, là, ah oui, et là, et tout le monde réagit un après l'autre pour avoir comme le scoop un peu, puis là, oh oui, il se passe ci, il se passe ça, tel événement. Donc, puis cette rapidité à laquelle les médias vont réagir, mais en même temps, sans tout le temps avoir l'information exacte. Juste, en tout cas, moi, ça m'évoquait. Oui, l'effet téléphone arabe, la réaction en chaîne, oui, ça c'est évoque ça. Le pendule évoque ça un peu. Puis après ça, pour finalement s'arrêter, puis là, tout le monde est un peu sur le même pied d'égalité. Mm-hmm. En tout cas, moi, c'est un peu ça qui m'est venu à l'esprit en regardant ça, là. Puis aussi, comment les médias se sont fait ont un peu mauvaise presse aussi, avec notamment l'élection de Donald Trump aux États-Unis, comment on a remis beaucoup en cause les médias dans les derniers mois, suite à certaines situations. Oui, donc, l'impact des médias, la propagande. Et l'impact littéral, hein, ici. Littéral, oui, parce qu'on le sent bien. Puis, devant ces télévisions-là, en plus, il y a un banc. Donc, on peut s'asseoir devant ces télévisions-là qui font un bruit incroyable avec les pendules. Puis, le mouvement du pendule fait penser aussi à l'hypnose. Donc, on se sent aussi hypnotisé par cette foule d'informations qui devient déformée en même temps parce que là, l'image bouge, elle se choque, tout ça. Donc, il y a vraiment une participation du spectateur qui est importante dans cette œuvre-là. Oser, hein? Ouais. C'est rare qu'on a le droit, là, mais là, oser aller tirer, sortez vos muscles. Absolument, oui. On pourrait passer maintenant à la petite galerie. C'est Steve Bates, concertina, donc, qui nous est présenté. Une installation toute sobre, mais assez intéressante aussi, là. Oui. C'est en fait une installation qui joue beaucoup sur la lumière qui est placée de manière différente à travers des fils de barbelés en forme de spirale qui rappellent justement ces barbelés qui sont aux frontières en différents pays et qui empêchent de passer dans différents pays ou de la prison à la liberté. On pourrait créer plusieurs contrastes comme ça. Mais la lumière est placée de manière théâtrale pour que se projette sur les murs blancs de la petite galerie des formes qui sont, elles, plus végétales. Moi, c'est ce que j'y ai vu, quelque chose un peu plus organique, joli, moins dans le côté rugueux du fer, du barbelé, de toute manière. Ouais. Moi, c'est ce que j'y ai vu. J'ai trouvé que c'était, comme tu dis, très sobre, mais efficace. Vas-y, gentille. C'est une œuvre qui est en mouvement aussi. Est-ce qu'il y a un mouvement qui active les fils? Non. Hein? Non, vraiment. À vrai dire, on se parlait tout à l'heure un peu avant d'entrer en ondes. Il y a des ondes radio. C'est avant tout une installation sonore, mais il faut le dire, moi aussi, je l'avais noté, l'aspect visuel est assez intéressant aussi pour les formes que ça crée au mur. Mais c'est avant tout une installation sonore qui est inspirée d'un événement réel. Là, c'est inspiré de la guerre civile au Salvador qui a eu lieu en 1979-1992. Mais c'est quand en fait, un groupe rebelle se servait des barbelés comme émetteurs de leur message radio mm-hmm. qu'ils voulaient envoyer pour justement contrer l'armée à cette époque, c'est qu'auparavant ils disaient que quand ils transmettaient d'un point, ben l'armée les retrouvait très facilement, alors que en connectant le transmetteur sur le fil barbelé, eh bien l'armée n'était pas capable de savoir à quel endroit d'où provenaient ces sons-là, donc parce que c'était diffusé tout le long du barbelé. Donc en même temps, il y a quelque chose d'un peu poétique aussi, en tout cas, moi, je trouve très proche de la radio, hein, ici, oui. C'est pareil, bien sûr. Mais, donc, dans le fond, ce qu'on entend, il faut être attentif, parce que des fois, c'est vrai que le son n'est pas toujours très fort, mais c'est des fréquences de 60 Hz qui ont été transformées en musique, parce que concertina, à la fois, accordéon. C'est un accordéon, exactement, mais c'est aussi le nom donné à ces barbelés, là aussi, les fils concertina. Ah, oui, donc, quand même assez drôle le parallèle mm-hmm. du même mot pour ces deux choses-là ici. Donc, il les a réunis dans cette installation-là. Donc, assez intéressant. Quand on... C'est un peu plus conceptuel. Il ne faut pas gêner pour mm-hmm. demander comment le processus là, de cette œuvre-là mm-hmm. fonctionne. Mais c'est ça. À la fois, c'est très sobre, mais assez intéressant quand on a tout ce contexte-là qui vient entourer absolument. L'œuvre. Mmh. Oui, puis à l'époque actuelle où on a toutes ces migrations de réfugiés, oui. c'est une œuvre qui est très porteuse aussi là, de différents... Oui, l'indésirable, l'autre oui. qu'on ne veut pas oui. nécessairement oui. avoir. Qui, là. Oui. qui est derrière la clôture. Oui. Content de le garder à distance. Mmh. Bien, super. Passons à vue maintenant. Ou encore là, on a un duo, Manif d'armes ou multi. On pourrait commencer avec dans l'espace américain. C'est Manif d'art, donc Sarah Ann Johnson. Oui. Joie, oui. Sarah Ann Johnson qui a fait le tour de plusieurs festivals de musique auxquels elle avait participé déjà dans sa jeunesse, ce genre de festival-là. Donc, ça relève un peu du souvenir, de la mémoire, d'une espèce de nostalgie. Elle va modifier les photos qu'elle a prises dans ces événements-là qui représentent généralement des jeunes adultes ou des jeunes adolescents ou quoi que ce soit qui vont faire la fête. Et on devine par les couleurs qu'elle va ajouter, par les brillants, par les couleurs très acidulées qui vont rappeler le Peace and Love Generation, etc., qu'ils prennent des hallucinogènes ou des... bref, toutes sortes de substances qui vont modifier leur état. Donc, c'est très... moi, j'ai trouvé ça extrêmement décoratif comme photographie, en général. Surtout les grands formats qui présentent soit des paysages ou qui présentent différentes voitures qui sont sur le bord d'un lac, on comprend, qui vont chercher de l'eau après les festivités qui se déroulent à l'extérieur. Mais elle va y ajouter par exemple, une espèce d'image qui est hallucinatoire, qui n'est pas réelle, par exemple, une espèce d'immense nuage qui apparaît dans tout ça. Donc, il y a la réalité versus. Elle nous fait prendre la drogue, en quelque sorte. Exact. Je pense que c'est ça, Gentiane. Oui, c'est ça. Elle cherche à faire vivre cette expérience-là de trip hallucinogène dans ces fêtes-là. Puis, c'est intéressant parce qu'en voyant l'exposition, on sent que c'est pas une artiste en tant qu'observatrice qui est allée documenter ces fêtes-là, mais on sent que c'est une personne qui en a vraiment qui a pris part et qui fait partie de ces fêtes-là, de ce mouvement-là qui est intégré à l'intérieur de ça et puis qui cherche à nous faire vivre cette expérience-là via ses œuvres d'art. Absolument. Mm-hmm. Ouais, c'est ce que j'ai vu aussi. Puis c'est drôle parce que le cartel dans l'exposition, présentait qu'il y avait peut-être là-dedans une espèce de critique ou en tout cas un petit côté critique par rapport à cette expérience-là. Mais moi, j'ai pas vu ça du tout. Étrangement, j'ai plus vu la fête, le côté joyeux de cette expérience. Mm-hmm. Puis il faudrait, je pense, rencontrer l'artiste pour bien le voir. Oui, et après ça, on a du côté de l'espace européen, il y a là, cette fois-ci, la proposition de Moi Multi. Donc, il s'agit cette fois-ci de Kelly Richardson. Oui, qui présente une vidéo Orientide qui est en fait en boucle, qui est un paysage surnaturel. On est devant un paysage soit lunaire ou du désert. Il y a quelque chose d'inquiétant. Oui. il y a comme une ambiance, hein, post-apocalyptique. Post-apocalyptique, oui, vraiment. Mais c'est très beau en même temps. Hein? Ah oui. C'est ça, moi, ça m'évoquait des aurores boréales. C'est ce genre de phénomène un peu. Mais il y a un ralenti là, aussi dans l'image qui fait qu'on est, on est vraiment dans la contemplation. Oui, aussi. On est devant la contemplation, mais quelque chose qui est étrange. C'est en fait des. Ça ressemble en fait soit à des projectiles ou à des bombes qui sortent une à la suite de l'autre de la Terre, ce qu'on devine être la Terre, le désert ou la Lune ou peu importe. Mais comme vous le dites, ça nous met dans une drôle de position parce qu'on se demande si c'est la guerre, si c'est un phénomène surnaturel. C'est ça, c'est l'ambiguïté qui ressort de cette proposition-là qui est frappante, qui est marquante. Tout là, parce qu'on ne sait pas trop, hein, autant on regarde beaucoup de... Moi, ça me fait penser aux séries télé ou aux films, là, justement, des nombreuses années ou dernières années où on parle d'apocalypse ou de post-apocalypse. Puis vraiment, il y a ça qui est très ambigu parce qu'à la fois, il y a cette beauté, mais aussi le résultat qu'on estime peut-être un peu catastrophique qui va suivre. Tout en tout cas, c'est assez intéressant comme effet, là, ici, comme œuvre, si on peut dire. Absolument, oui. Il nous reste aussi à parler rapidement de chez Engram, la proposition donc de Parastou Fouroir, qui est une artiste irano-allemande qui présente à la fois deux séries d'œuvres qui s'intitulent Papillon Collection et The Time of Butterflies. Oui, par ces titres-là, on pourrait penser que c'est des estampes qui sont très joyeuses. Elles paraissent assez... Au premier regard, hein, elles paraissent plus dans le joli, dans le décoratif, dans quelque chose de positif, parce qu'on y voit une foule de papillons, d'une part par une tapisserie et d'autre part par une série d'estampes. Mais en fait, quand on s'approche un peu plus, on voit... à l'intérieur des ailes du papillon, des corps qui sont... Des parties de corps aussi, des membres. Oui, des parties de corps dans des positions qui relèvent de la souffrance, de la douleur, de l'emprisonnement. Oui, il y a des blessures aussi, il y a du sang, mm-hmm. Exactement. Et ce qui est assez... tragique dans tout ça, c'est que c'est l'histoire en quelque sorte de la mère de l'artiste iranienne qui a subi un assassinat politique en 98. Donc il y a une espèce d'autobiographie qui est très difficile, mais mm-hmm. en même temps, lorsqu'on s'éloigne de, si on prend de la perspective mm-hmm. par rapport c'est à ces images-là, il y a l'espoir, il y a des couleurs plus pastelles, plus joyeuses, puis il y a l'envol du papillon. Donc, j'ai trouvé une expérience un peu cathartique, là, si on veut. Oui, c'est ça, une façon de s'en sortir. Et puis, je suis allée lire sur le site de l'artiste, sa mère s'appelait Parvané, et ça veut dire papillon en persan. Donc, voilà, il y a ça. Mm-hmm. Eh bien, on va conclure là-dessus aussi en disant qu'il y a également Lisa Burke à ne pas manquer dans la vitrine de Manif d'art qui présente une vidéo Calendar Girls, donc une vidéo où elle-même est mise en scène et elle danse donc seule dans la nature. Dans différents paysages, toujours avec quelque chose qui lui couvre la tête. C'est ça, donc et dans différents contextes et qui amène une certaine étrangeté, si on peut dire, à ces situations-là. Oui, on se croirait dans des contes de fées parfois, mais très, très actuels aussi. Mm-hmm. C'est ça, c'est visible jusqu'au 14 mai. Là, donc, On va avoir le temps, effectivement. Oui, en permanence, en passant dans la côte. À part que le reste, je pense, tout se termine le 19 mars, donc c'est ça. Fin de semaine. Oui, c'est ça. Donc, pour ce qui est de la bande vidéo, de l'œil de poisson, de vue et de Engram, mm-hmm. vous avez jusqu'à dimanche pour voir les expositions dont on a parlé. Courez-y. Donc, on va aller à la pause publicitaire. Oui, merci beaucoup, Suzy. Ça a été un plaisir, merci, mesdames. Suzy, et bonne fête. Allez à Méduse, il y a du stock en masse. Absolument. ckrl.qc.ca. Découvrez l'exposition centrale de Manif d'art 8, la Biennale de Québec, présentée au pavillon Pierre Lassonde du Musée national des beaux-arts du Québec. Des artistes d'ici et d'ailleurs vous en mettront plein la vue. Cet hiver, célébrez l'art de la joie au M&BAC. Particules sonores. fragment de bruit. Au début, il y a eu le son. Gaétan Gosselin explore l'univers fascinant de l'art audio avec les artistes dont la matière première est le son. La Croche-Oreille, une présentation d'Avatar, le centre d'artistes en art audio et électronique. Les dimanches à 21h. Une idée originale de Jean-Pierre Gay. À quoi tu penses? Les 31 mars, 1er et 2 avril, c'est le Radioton à CKRL. Donc il y a une quantité d'ordre qui est parfaitement déterminée. Des invités de marque, des prestations et des émissions spéciales en direct de nos studios vous seront proposées tout au long de cette fin de semaine festive. J'insiste sur le mot. C'est le temps de venir voir et entendre vos animateurs et animatrices préférés. J'en ai repéré certains. Et c'est aussi le bon moment pour renouveler votre carte de membre. Tiens, pourquoi pas? De miser sur nos nombreux lots ou bien de faire un don. La télé, c'est pour tout le monde. Ce Radioton vous sera présenté grâce à nos partenaires majeurs. La radio, c'est pour moi. La Barberie, le Bal du Lézard, Audiolite et l'Hôtel Château-Laurier. Est-ce que vous avez autre chose à me dire? Votre soutien demeure essentiel. Dans la radio. Merci d'écouter CKRL. Je me sens beaucoup moins seule. Vous êtes de retour sur les ondes de CKRL 89.1. Vous êtes à l'écoute de l'aérospatiale. Et juste avant de poursuivre notre émission, rappelez qu'on est toujours en pré-radioton. Hein, bien sûr, vous pouvez toujours faire un don pré-radioton, 20 $ et plus sur via PayPal sur le site de CKRL, mais aussi vous pouvez passer à la station, donc 405 3e avenue, pour soutenir cette magnifique radio auquel nous faisons à chaque semaine une présence bénévole, mais avec grand plaisir qu'on le fait. Avec beaucoup aussi. D'amour. Beaucoup d'amour, effectivement. Et il faut rappeler qu'il y a des prix, bien sûr, attachés si vous faites vos dont juste avant le Radioton qui aura lieu le 31 mars, 1er et 2 avril prochain. Pour ceux qui suivent la station aussi, il va y avoir dévoilement de la programmation spéciale du Radioton lundi prochain, donc via Facebook Live, vous allez pouvoir suivre ça en primeur. Alors voilà, soyez généreux pour CKRL, bien sûr. On poursuit notre émission en compagnie d'Isabelle Trépanier. Bonsoir Isabelle. Bonsoir Audrey. Alors, on le disait en début d'émission, tu es responsable donc de la galerie Espace Parenthèse dont on parle. Exactement. À quelques occasions ici à l'émission. Et c'est il faut le dire aux gens, c'est un espace de galerie qui est en contexte scolaire, donc exactement, au Cégep Sainte-Foy. Oui. Et qui a porté un autre nom autrefois. Oui. C'est l'ancienne galerie Trompe-l'œil, oui. Exact. Donc, une galerie quand même. Moi, j'ai été étonnée de savoir que ça existe, cette galerie-là, depuis 1985. Oui. Donc, trentaine d'années. Hein. Oui. Bien, en fait, en 85, est née la galerie Trompe-l'œil. Je sais qu'avant 85, il y avait une petite galerie qui existait à l'intérieur de la bibliothèque, qui a été une initiative d'étudiants, d'employés de la bibliothèque qui voulaient diffuser les œuvres qu'eux faisaient. Okay. Puis à partir de ça, ben peu à peu, ça s'est un peu professionnalisé. Puis là, c'est devenu aux mains du service à la vie étudiante. Et c'est devenu une galerie avec des artistes professionnels qui exposaient autant des étudiants que des artistes professionnels. Puis ça a duré 30 ans, cette époque-là, de la galerie Trompe-l'œil pour devenir après Espace Parenthèse en 2010. Oui, c'est ça. Donc, ça fait déjà 6 ans, ben 7 ans cette année, à vrai dire, là, que le lieu va là. Puis comme tu l'as souligné, c'est ce qui est intéressant avec cette proposition de galerie-là, c'est que c'est pas que des étudiants, mais des artistes professionnels qui exposent là. Oui, en fait, on a 8 plages horaires au cours de l'année, à l'automne et à l'hiver, qui sont pour les artistes professionnels. Et en fin d'année, c'est-à-dire avril-mai, ben là, on a des étudiants finissants, soit en design industriel, design de présentation ou en art visuel, qui viennent exposer à la galerie. Ça leur fait une expérience professionnelle parce que le lieu est consacré aux artistes professionnels toute l'année, fait qu'on a tout le matériel et l'expertise pour les recevoir. Oui. Et le mandat spécifique, hein, pourquoi on a ça dans un établissement scolaire, une galerie comme ça? Parce qu'on en voit beaucoup dans les universités, oui. Mais au cégep, c'est différent, je trouve. Ouais, c'est plus rare, en tout cas. Rare, souvent, oui. Ce qu'on voit dans les cégeps, c'est des galeries qui sont dans les départements d'art ou de mm-hmm. photos ou de... Plus spécifique aux arts, ouais, sont liés à un programme. C'est ça, puis c'est les étudiants qui l'habitent. Mm-hmm. Nous, c'est pas ça, c'est en partie ça, mais le but, l'objectif, c'est vraiment de mettre les étudiants en relation avec l'art, de les confronter un peu, parce que on a autant des étudiants qui sont en art visuel que des étudiants qui sont en sciences nature, puis qui autrement qu'en passant à travers espace parenthèse, mettront jamais peut-être les pieds dans un musée. Mm-hmm. Fait que le but, c'est vraiment de les mettre en contact avec l'art, de les initier, de leur présenter toutes sortes de choses. Puis c'est pour ça aussi que notre programmation, elle sera jamais que du 2D, que de la photo, que de la sculpture. Le but, c'est vraiment de... Montrer une variété. Oui, leur présenter c'est quoi l'art. Puis ça se peut que t'aimes pas ça, ça se peut que t'aimes ça. Puis c'est pas grave si t'aimes pas ça, tu sais. Mm-hmm. Au moins, tu l'auras vu, t'aurais été en contact avec ça, puis... Ça fait en sorte que... T'sais, peut-être que ces étudiants-là qui passent dans l'espace parenthèse vont aller au musée dans 2, 3, 4, 5 ans. On mm-hmm. sait pas. Ou peut-être qu'en passant, parce qu'il faut... Je sais pas si tu l'as évoqué, là, mais le lieu d'exposition est... On n'a pas le choix pour aller à la bibliothèque. Obligé, ouais. C'est ça, c'est un passage obligé pour aller à la bibliothèque. Exactement. Donc, on passe les portes. De chaque côté, on a espace parenthèse qui est là. Puis après ça, pouf, on rentre dans la Exactement. Bibliothèque. Donc, c'est obligé. Mais en même temps, je me dis, les étudiants, ils vont quand même, j'imagine, assez souvent aussi. Oui, c'est ça. Bien, ils vont souvent à la bibliothèque. C'est un lieu de travail, c'est un lieu de recherche. Puis... souvent, ils n'ont pas dans l'idée d'aller nécessairement à la galerie. Ils n'ont pas comme objectif d'aller à espace parenthèse, mais... Étant donné qu'ils sont obligés de passer à travers, ben ils s'arrêtent. Ou dans la bibliothèque, ils n'ont pas le droit de parler au téléphone, donc ils sortent. Mm-hmm. Puis là, ils sortent pas jusque dans le dégagement. Ils restent dans l'espace parenthèse, ils regardent les œuvres. Donc, on essaie de les captiver mm-hmm. un peu comme ça. Il y en a, bien sûr, qui viennent juste voir les expos. Exact. Mais on peut se vanter d'avoir 1000 visiteurs par jour comme ça, en les captivant dans le passage. Exact. Puis c'est assez intéressant aussi, parce que je me dis, ça doit faire en sorte que même si la personne n'est pas nécessairement attentive, fait juste passer, ben à un moment donné, va peut-être son œuvre va juste capter inconsciemment, puis plus tard va arriver à dire hey, mais ça me rappelle de quoi, va croiser une œuvre d'un artiste qu'il a vu. Ouais. Et puis des fois, c'est des petits déclics comme ça qui peuvent exactement qui peuvent se puis faire. Des fois les étudiants passent plusieurs fois dans la galerie, je revois les mêmes, ils s'arrêtent pas, puis oups, tout d'un coup ils s'arrêtent, ils ont vu quelque chose ou quelque chose a attiré leur attention. Puis c'est, tu sais, le but, c'est vraiment de les mettre en contact, de les faire baigner un peu là-dedans, puis ça fait en sorte qu'il y a des choses qui s'allument dans leur esprit, puis des intérêts ou... Oui, effectivement. Et puis, concrètement, là, on parle, oui, de ce que c'est la galerie, mais est-ce qu'il y a des défis, j'imagine, hein, comme pour toi, comme responsable aussi, d'avoir une galerie dans un établissement scolaire comme ça? Hein? Ben oui, parce que c'est pas les mêmes horaires que n'importe quel centre d'artistes. T'sais, on est fermé l'été. Il y a plein de petits trucs comme ça qui font en sorte que c'est des défis techniques. Il y a aussi le fait qu'on est comme contraint au calendrier scolaire. Mm-hmm. On peut pas faire une expo en Noël, puis jour de l'an. Il y aurait personne pour la voir ou en plein été. Donc, c'est des courtes périodes de 3 semaines parce qu'on veut que les étudiants en voient le plus possible pendant l'année. Donc, il y a des petites contraintes techniques comme ça. Mais sinon, j'ai des merveilleux patrons qui me laissent assez carte blanche. C'est sûr que je pourrais pas mettre des œuvres pro-nazis sur les murs. Là, on est dans une école quand même. Oui, effectivement. J'imagine qu'il doit avoir, vous êtes un comité aussi ensemble qui décidait de... dans le fond, passer au travers des dossiers que vous recevez. Exactement. Mais c'est jamais arrivé qu'on ait à discarter un dossier parce qu'il était immoral, là, tu sais, vraiment. Mm-hmm. C'est assez ouvert. Puis, étant donné que le but, c'est vraiment de mettre les étudiants en contact avec différentes choses, ben on essaie d'aller dans différentes avenues, peu importe le thème de l'exposition ou tout ça, on n'essaie pas de se censurer là, du tout. Mm-hmm. Fait qu'il n'y a pas beaucoup de contraintes, dans le fond. Oui. Bon, ben tant mieux, heureusement. Ouais. Puis peut-être en conclusion, pour expliquer aux gens qu'est-ce qui pourrait différencier un peu ce lieu-là, espace parenthèse, versus un centre d'artistes ou bien un musée ou une maison de la culture, par exemple. Est-ce qu'il y a une spécificité, quelque chose de plus... Il n'y a pas beaucoup de différences. Je te dirais, c'est la différence majeure, c'est vraiment le public, mm-hmm. parce que notre public, il vient pas par lui-même. Donc, ça se peut que qu'il y a des gens qui passent puis qui avaient pas du tout l'intention de venir. Donc déjà là, il faut avoir ça en tête quand on construit l'exposition. Mais sinon, ça ressemble beaucoup à un centre d'artistes chez Méduse ou chez Engram. La seule chose, c'est qu'on va essayer de diversifier le plus possible notre programmation, comme je le disais, pour vraiment montrer plein de choses aux étudiants différentes. Mm-hmm. Mais sinon, pas de différence majeure. Vraiment. D'accord. Et il faut rappeler aussi que, justement, on parle que c'est un par appel de dossier. Les artistes peuvent soumettre leur dossier. Jusqu'à lundi. Et c'est ça, il est actuellement en cours, là. Oui, pour la programmation d'automne prochain et hiver, on a 8 plages horaires d'ouvertes pour les artistes. Puis, comment ça fonctionne? Qu'est-ce qu'on doit soumettre comme c'est un dossier élément? Classique. Tout est sur notre page web. Espace parenthèse, mais c'est un dossier assez ordinaire, si je peux dire. Oui, là, oui, simplifié. Une proposition là, de projet, un CV, là, les choses classiques qu'on doit mettre. D'accord. Et puis, c'est ça. Dans le fond, on essaie d'encourager des artistes autant de la relève que des gens qui ont des carrières établies. Vraiment, c'est ouvert à tous. Super, ça c'est intéressant. Et puis là, on a actuellement une nouvelle exposition qui a commencé hier, c'est ça, mais dont le vernissage est jeudi, pas cette semaine, mais le suivant, le 23 mars. Et c'est une exposition collective, toute féminine. Un coup de cœur, ça. C'est vraiment, vraiment une belle exposition. Ça s'appelle Mon Autre, Alter Ego. Et c'est avec Isabelle Demers, Fanny Ménard, Jacinthe Loranger et Amélie Laurence Fortin. C'est incroyable. Ils ont fait un univers complètement éclaté avec la galerie. On se croirait... C'est le printemps. On dirait pas qu'il fait tempête du tout quand on est dans la galerie. C'est superbe. Puis quand je parlais un peu de contraintes de calendrier scolaire, c'est pour ça que le vernissage est la semaine prochaine, parce que cette semaine, on est en relâche au cégep. Ah ben oui, effectivement. J'y avais pas pensé, mais c'est oui. C'est pour ça que des fois, on a des petits twists comme ça à faire dans le calendrier. Mais la galerie est tout de même accessible. Oui, la galerie est ouverte, mais on veut que le vernissage soit accessible aux étudiants, puis on veut pas qu'ils soient partis en vacances dans le sud. Donc, effectivement. On essaie... fait le vernissage quand ils sont à l'école. Oui, c'est ça. Ben, c'est très bien. Eh bien, Isabelle, je te remercie beaucoup d'être venue nous parler un peu de ton travail, de ce que c'est, hein, ton milieu de travail. Ça, on aime ça faire des portraits comme ça de temps à autre de gens du milieu. Puis, espace parenthèse est quand même un lieu particulier et qu'il faut découvrir, parce que moi, j'ai vu de très belles expositions, honnêtement. Là, ça a été une belle découverte à faire. Donc, il faut se rendre jusqu'au cégep de Sainte-Foy. Oui, il faut aller jusqu'à Sainte-Foy. C'est ça. Puis, de toute façon, très accessible en transport en commun. Puis, on a aussi... c'est juste de rentrer là, sur la porte de côté. À la porte Margiel, la porte principale, dans le fond, puis c'est super facile d'y avoir accès. Parfait. Bon, ben un grand merci. Merci et de l'invitation. Une très belle continuation et longue vie à Espace Parenthèse. Merci beaucoup, c'est gentil. On s'en va en pause audio et c'est un extrait qui s'appelle « Écart ». Thank you. Alors, de retour au micro à l'aérospatiale, ici Jean-Tiane La France, et nous avons en studio avec nous Alphia Jonca. Bonsoir Alphia. Bonsoir Jean-Tiane. Ça va bien? Ça va très bien, et toi? Oui, ça va bien. Donc, tu es une des trois artistes qui exposent actuellement à la salle d'exposition du pavillon Alphonse Desjardins de l'Université Laval, donc avec un titre d'expo qui est presque aussi long que celui de la galerie. Elle pensait comme ça, alors que pas moi. Un titre d'expo qui est quand même assez narratif et évasif à la fois, qui est très proche de l'oralité, qui est très intriguant. Est-ce que tu peux nous parler un peu de, ben, comme c'est une exposition collective, j'imagine que c'est un titre que vous avez choisi toutes les trois ensemble. Oui. Comment vous avez fait pour déterminer que c'était comme le bon titre pour l'exposition? En fait, au moment de faire la proposition de projet, en fait, les seuls éléments dont on était certaine puis qu'on voulait évoquer à travers le titre, c'était le fait qu'on était plusieurs, donc on était trois filles. Puis que oui, c'était une exposition collective, donc que l'orientation était pensée ensemble, mais qu'en fait, toutes les œuvres seraient produites de façon individuelle puis ensuite regroupées dans l'espace de la galerie. Mais que c'est ça, ce serait vraiment non pas une œuvre totale collective, mais vraiment la rencontre plutôt de trois pratiques différentes. Mm-hmm. Donc l'espace-temps qui existe entre le moment où on dépose le dossier et le moment où on monte l'exposition, il y a de ça aussi dans ce titre qui est assez ambigu, qui ne laisse pas beaucoup découvrir ce qui se passe. Et c'est pas la première fois que vous collaborez ensemble toutes les trois. On a eu l'occasion de vous voir en exposition. Bon, c'était une exposition collective de 6 artistes, je crois. Oui. Donc l'an dernier, la fois où on voulait se couper les cheveux. Et puis vous avez également commissarié une exposition, encore une fois, à la salle d'exposition du pavillon Alphonse Desjardins de l'Université Laval. Persona Grata. Donc, vous vous êtes connus sur les bancs d'école. Est-ce que vous connaissiez avant? Comment vous êtes amenés à travailler ensemble toutes les trois? En fait, c'est vraiment à l'université qu'on s'est rencontrés. On en est venu à travailler ensemble parce qu'on s'entendait bien. On a développé une amitié, puis aussi sur le plan artistique en tant que tel, nos pratiques s'apparentent bien. Donc c'est vraiment comme ça qu'est venue l'idée de collaborer. Puis aussi la volonté de, c'est toujours plus facile si on veut d'affronter les premières expériences d'exposition à plusieurs. Donc c'est un peu là, on s'est regroupé un peu. Pour cette raison-là. Mm-hmm. Donc, comme première expérience d'exposition, je pense à la fois où on voulait se couper les cheveux, donc une exposition qui était dans un lieu, une exposition très spontanée, je dirais, dans un lieu qui n'est pas fait pour les expositions. Vous aviez également fait une publicité un peu particulière également, très individualisée. Donc, comment vous abordez l'exposition aujourd'hui et comment c'est différent de comment vous abordiez l'exposition l'an dernier? L'an dernier, en mai, en fait, c'est venu beaucoup d'une volonté, en fait, de prendre l'initiative de vivre une première expérience d'exposition, vraiment de vivre l'entièreté là, des étapes de la création, c'est-à-dire la communication, la mise en place des idées et tout, aussi la recherche du lieu également. Pour la première exposition, c'était vraiment l'idée de vivre l'expérience de monter tout ça. Puis elle pensait comme ça alors que moi pas. C'est vraiment l'idée de répondre plus à un appel de dossier d'une offre qui était déjà existante sous une thématique aussi qui était proposée par quelqu'un d'autre que nous, puis d'y réfléchir ensemble. Donc la thématique, c'était l'art de la joie. Mm-hmm. Oui. Donc c'est une exposition qui est un événement satellite de Manif d'art, et vous avez proposé donc une rencontre, si on veut, entre trois concepts, l'autre, l'objet et le lieu, pour répondre à l'art de la joie. Mm-hmm. Donc, comment en êtes-vous arrivé à proposer ces concepts-là? Ben en fait, c'est venu de l'idée de s'approprier ce thème plus global-là en l'amenant plus vers nos pratiques respectives qui, chacune, se décline sous ces trois thématiques-là de l'objet, l'autre et le lieu. Puis c'est un peu l'idée de se prêter au jeu de chacune, réaliser des œuvres pour toutes ces catégories-là. Puis un peu de la volonté de créer quelque chose qui s'apparentait à un micro-inventaire qui faisait l'étalage là, de nos trois conceptions différentes de la joie. Donc, il y a beaucoup aussi, il y a de la joie, mais on sent beaucoup un intérêt dans vos trois pratiques pour le domestique, pour l'intime. Je pense à une œuvre qui est tout au centre de l'exposition, qui est une table de cuisine avec des chaises, une projection. On a des représentations de lieux domestiques. Est-ce que c'est quelque chose qui était réfléchi au préalable, ou est-ce que c'est quelque chose dont vous discutez ensemble les trois en tant qu'artistes? Pas nécessairement. En fait, c'est assez instinctivement qu'on aborde toutes les trois nos pratiques de manière assez intime. On a travaillé aussi les trois nos corpus de manière séparée. C'est seulement vers la fin, là, rendu au montage, qu'on a vu là, ce que les autres avaient produit. Puis, je pense que chacune, c'est ça, on a vraiment une approche très instinctivement près du quotidien, oui. Près de la vie. Donc vous dites que c'est au montage que vous avez vu un peu les œuvres les unes des autres. Donc comment vous avez réfléchi la mise en espace, le dialogue entre les œuvres dans l'espace? Oui, en fait, c'est simplement de voir comment elles pouvaient cohabiter. On cherchait pas nécessairement à regrouper les corpus par artiste, mais vraiment formellement voir les œuvres qui se répondaient bien entre elles, puis de créer une certaine variation là, passant des trois thématiques aussi, puis d'une artiste à l'autre. Parfait. Ben merci beaucoup, Alfia Jonca, d'être venue nous parler de l'exposition « Elle pensait comme ça alors que pas moi », qui est en cours à la salle d'exposition du pavillon des Jardins de l'Université Laval jusqu'au 18 mars, donc c'est jusqu'à samedi. Oui. Pour ceux qui ne l'ont pas vu, dépêchez-vous à aller voir l'exposition. C'est ouvert tous les jours de la semaine, pendant le jour. Donc, on va prendre une petite pause audio avec... Toujours Bordeaux et c'est brouillard. Brouillard. Alors, une petite dose de brouillard en cette tempête de neige. Alors, dans le monde des arts visuels cette semaine, bon, d'abord, il va y avoir jeudi le 16 mars à 17h, c'est le vernissage participatif de l'exposition « Être de passage », qui est une exposition du collectif Vincent et moi et de Fanny et non Lévy. Oui, une ancienne collaboratrice. Oui, une ancienne collaboratrice de l'émission. Donc, ça va être à l'Institut universitaire en santé mentale de Québec, sur le chemin de la Canardière. Donc, c'est la galerie Vincent et moi. C'est dans l'hôpital Robert Giffard. Et c'est présenté avec la collaboration de Bianca Néron, qui est artiste en arts sonores, et Erika Soucy, qui est poète et comédienne. Donc, ça va être une installation interactive, visuelle. Ça promet. Jeudi 16 mars, c'est le vernissage. Et le dimanche 19 mars, dès 13h à la galerie Michel Michel Guimond, c'est le vernissage de l'exposition « Façade et panorama » de Martin Golland. Et c'est la dernière semaine pour voir. Ben, en fait, on a jusqu'à demain pour aller voir l'exposition chez Michel Guimond, Off-Manif. Oui, donc, vrai. Une exposition des membres avec une très belle œuvre de Diane. Oui, des artistes de la galerie. Oui, là, oui, oui, c'est oui. Ça. Et puis, donc, jusqu'à samedi, comme on le disait tout à l'heure, elle pensait comme ça alors que pas moi à la salle d'exposition du pavillon Alphonse Desjardins de l'Université Laval. Mm-hmm. Et dimanche? Oui, jusqu'à dimanche. Oui, jusqu'à dimanche, on passe par Méduse, donc pour aller voir l'exposition de Barastou Fourouard chez Engram. C'est également la dernière semaine pour aller à la bande vidéo voir l'exposition de Yalou dont on a parlé tout à l'heure, mm-hmm. et les expositions à l'œil de poisson et à vue. Sans oublier également, encore dans le cadre de Manif d'art, l'exposition des espaces possibles au Grand Théâtre de Danbrough, donc qui va se terminer dimanche. Oui, oui, ça vaut la peine. Puis il y a aussi plusieurs œuvres d'art publiques également qui vont se conclure là cette fin de semaine. Donc, il faut porter attention. Allez sur le site de Manif d'art pour voir là, le calendrier, justement, jusqu'à quand toutes ces expositions-là se terminent. Eh bien, c'est déjà la fin. Oui, c'est ici que ça se termine. C'est là que cette édition spéciale anniversaire, Jean-Tiane, se termine. On vous invite, bien sûr, à réécouter cette émission en balado-diffusion si vous avez manqué quelque chose. Elle est disponible autant sur la page de CKRL, mais aussi sur notre page web, l'aérospatiale, ckrl.wordpress.com. Suivez-nous aussi sur notre page Facebook et Instagram. On vous met à chaque semaine des petites photos de oui, nos invités de en nos studio. Invités, des belles entrevues. Exact. Et puis des fois des œuvres que l'on visite, qu'on voit lors de nos visites. On remercie bien sûr nos invités Isabelle Trépanier et Alfia Jonca, notre chroniqueuse Suzy Dufour et comme toujours notre Picasso des ondes Jacques. Non, Jackson Pollock cette semaine. Oh, Jackson Pollock des ondes, bien sûr. Merci Audrey. Merci Jean-Tiane aussi. Et il faut dire que la semaine prochaine, on a déjà une émission très remplie. Tu seras en pause la semaine prochaine, non? Oui, j'ai autre chose. Mais oui, mais voilà, c'est la vie. Et on va notamment parler des activités à l'occasion du 30e anniversaire de l'École de joaillerie de Québec. On va parler de Jordan Bennett et Étienne Barajon à regard. Il y a une exposition aussi pop-up à Matéria, donc surprise. Et Marie-Claire Tremblay va nous faire découvrir la clarté de Dieu, un lieu qu'on connaît pas beaucoup, un lieu d'exposition où art et spiritualité s'entremêlent et va nous parler de l'exposition qui est actuellement en cours. Et aussi, ne manquez pas le dimanche à 21h, notre émission cousine, La Croche-Oreille, qui est une émission en art sonore qui est animée par Gaétan Gosselin sur les ondes de CKRL. Et cette semaine, il va nous parler de Nathalie Bugeaud et son projet études vidéographiques pour instruments à cordes qu'on a mentionné tout à l'heure en lien avec l'œuvre de Yalou. Donc, qui a été présenté là, il y a quelques semaines à l'œil de poisson. Restez à l'écoute de CKRL parce que de l'autre côté de la pause, il va y avoir Pierre Blais et toute son équipe qui vous attendent pour discuter cinéma à l'émission Situation Critique. Bonne semaine, Audrey. Bonne semaine, Jean-Tiane. Téléchargez cette émission sur ckrl.qc.ca ou sur iTunes. De toute façon, personne n'est pressé de couper le son. C-K-R-L. Quand, comment, pourquoi. .qc. Il y avait là-dedans l'orgueil de celui qui a fait son chemin. .ca. La bouquinerie Nouvelle Chance, entreprise d'économie sociale, poursuit une mission à la fois culturelle, économique et environnementale. Ici Denis Lelièvre. Le samedi 18 mars, joignez-vous à moi pour découvrir cette librairie de livres d'occasion de Limoilou. Sur place, au 1595 chemin de la Canardière, sur les ondes de CKRL de 14h à 15h30. Ensemble, donnons un second souffle aux livres. Les 16 et 17 mars, la Maison de la littérature présente « La vie littéraire » de et par Mathieu Arsenault, figure emblématique de l'underground. Avec la complicité de Christian Lapointe, Arsenault vient maintenant se dévoiler sur scène pour livrer son monologue, véritable écho de l'œuvre de Vicky Gendreau. Au cœur du Vieux-Québec, la maison de la littérature, votre maison pour écrire, lire, vivre. Découvrez la première Biennale hivernale d'art contemporain avec 50 artistes de 9 pays dans 30 lieux de la ville de Québec, dont au pavillon Pierre Lassonde du MNBAC. Cet hiver, célébrez l'art de la joie. Ce mercredi 15 mars à 20h, au Grand Théâtre de Québec, l'Orchestre symphonique de Québec fera vibrer vos cinq sens avec son concert « Variations scandinaves ». Au programme, une œuvre orchestrale évoquant différentes saveurs de chocolat à déguster pendant le concert. Par la suite, l'orchestre vous fera voyager en Scandinavie avec le très populaire concerto pour piano de Grieg et la non moins célèbre symphonie numéro 2 de Sibelius. Tous les détails sur osq.org. Hydro-Québec, partenaire de saison. L'ensemble Constantinople présente sa toute nouvelle création, Dalla Porta d'Oriente, en compagnie du ténor italien Marco Bisley, une des plus grandes voix de la musique de la Renaissance. 8 musiciens sur scène sous la direction de Kia Tabassian. Le vendredi 17 mars à 20h, l'Orient rencontre l'Occident, à la cathédrale Holy Trinity, Vieux-Québec. Billets en vente à lepointdevente.com. Situation critique vous est présentée par le cinéma.